dingue. Haine à haute dose, je voudrais tirer ma gueule, manque plus que le flingue. Il paraît si, il paraît que t'es narvalo, il paraît ça. Mais sache que les vrais arrêts savent qu'il y a toujours plus tard avec soi. Ils se mettent tous à la cocaïne, le shit c'est démodé. Ces bâtards nous contaminent, y'a trop peu de vrais à mes côtés. Les Kaira, les Kaira, les Kaira sont perdus. Les Kaira, les Kaira, les Kaira sont perdus. J'enfonce la porte du rap français et puis je repars. Car ce 3 bouches rentre même pas dedans. J'ai 20 ans de retard, le Z est intestable, ma gueule, il n'y en a pas deux. Super Sangoku baisse le rap, je sens mon arme à feu. Où sont mes Kaira? Où sont mes voyous? La Hagla ça paye pas, lâcher la cuisine et le caillou. Qu'ils niquent leur mère, le vrai son vient du cimetière. Ils me baisseront pas la gueule et ni celle de mes petits frères. Où sont mes Kaira? Mes big raveurs de quai de plat, mes criaveurs de bons plats, les bonhommes qui se répètent pas. Tu chicanes avec le poteau, j'arrive derrière, patate dans le cou. Si vous êtes beaucoup de caviar, tiens, sortira le toku. Fais pas le fou mec, c'est foulec, je suis même si t'es boulette. La vie de chacun à fil, on la joue à la roulette. J'mange pas de porc, mais j'en mettrais bien un dans mon barbac. J'ai pas connu la fac, mais les menottes, les coups de masse. Vas-y, vas-y, vas-y, rappeur, ferme ta gueule, je veux plus t'entendre. Avec ton crew, t'équipe plus t'en bas. Où sont, où sont, où sont mes Kaira? Elles sont passées par ici, elles repasseront par là. Où sont, où sont, où sont mes Kaira? Elles sont passées par ici, elles repasseront par là. J'ai des envies de meurtre auditif, face à nous les fausses divises. Pose le bif, les choses se disent. On ose le pire, mais prose dérive. On vous encule à sec avec toute forme de verbe. Dans ce décor de merde, d'oublier les ouvriers, tape dur comme le fer. Où sont mes voyous? Où sont mes Kaira? Ils ont tous arrêté le rap. Où sont tous au carplat? C'est un retour aux sources en violence. Pouf, notre insolence dans chacune de nos assonances. Bah, bah, on finit toujours par où ça commence. Mes Kaira sont sortis, bande de bâtards. Du jour au lendemain, je veux peser comme le Qatar. Avec l'atmosphère, je suis en décalage. Je me sens bien quand j'ai un gros joint de BR et le sky dans mon verre. Dieu et Lucifer sont proches de nous. Mais si tu dois payer mon pote, tu marcheras sur le genou. Je préviens qu'une fois, j'ai qu'une parole, fils de l'Oumni. Le Z passera face, s'enfuit comme l'OVNI. Décroche ton cerveau avec une patate dans l'oreille de bâtard. J'ouvre ton crâne pour en faire du tartare. Rembattez tes rimes et même toutes tes punchlines. J'aime le halouf grillé comme quand les keufs crament. Toujours besoin d'un coup fourré pour rouler, pas pour saupoudrer. Passer à la blanche, c'est ce que vous voulez. Le soifard de Montreuil revenu vous calmer. Trop de rappeuses disarmées, mais non rien dans le calme. Aucune ne sera épargnée. Une flexion nous sépare pour que la tête et mon pied viennent s'embrasser. Obligé de mettre quelques baffes dans mes gueules pour se faire respecter. Où sont, où sont, où sont mes Kaira? Elles sont passées par ici, elles repasseront par là. Où sont, où sont, où sont mes Kaira? Elles sont passées par ici, elles repasseront par là. Où sont, où sont, où sont mes Kaira? Elles sont passées par ici, elles repasseront par là. Où sont, où sont, où sont mes Kaira? Elles sont passées par ici, elles repasseront par là. Où sont, où sont, où sont mes Kaira? Elles sont passées par ici, elles repasseront par là. Où sont, où sont, où sont mes Kaira? Elles sont passées par ici, elles repasseront par là. Mes Kaira, mes Kaira, mes Kaira sont perdus. Mes Kaira, mes Kaira, mes Kaira sont perdus. Mes Kaira, mes Kaira, mes Kaira sont perdus.